الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Donc le thème d'aujourd'hui a été abordé par Cheikh au sujet d'un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala rappelait à l'ensemble de la créature, donc à l'ensemble des humains, si vous obéissez au prophète alayhi salatu wassalam, certainement vous aurez la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il a mis donc une condition pour atteindre la guidance, pour être sur le droit chemin, il faut absolument obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Cette obéissance qui se manifeste à travers l'application de ses recommandations, le fait d'éviter ses interdits, de croire en quoi il appelle à l'Islam, donc avoir une véracité, ou croire fermement à ce qu'il rapporte, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une condition pour atteindre la guidance, c'est qu'on est censé suivre le prophète salawatullahi wa salamu alayhi, le suivre au niveau de l'aqidah, du dogme, le suivre au niveau des actes d'adoration, l'ibadat, le suivre au niveau des actes sociaux qui font partie donc des relations entre les gens. Donc s'appliquer ou appliquer l'ensemble des recommandations du prophète alayhi salatu wa salam pour pouvoir bénéficier par la suite de cette guidance de la part d'Allah Azza wa Jalla. Ceux qui s'écartent de cette voie, ceux qui ne respectent pas cette condition, Allah Azza wa Jalla leur a rappelé dans un autre verset que ceux-là, ils auront, donc ceux qui ont évité le zikr d'Allah Azza wa Jalla, qui ont évité la voie de la droiture, ceux-là, ils auront offert dans la Azza wa Jal une vie d'anka, une vie donc difficile, à travers laquelle ils seront éprouvés. Ils se retrouveront dans la gêne, dans la difficulté. Et là aussi, Allah Azza wa Jal, à travers le verset, nous a rappelé à ceux et à celles qui ont délaissé le dhikr d'Allah Azza wa Jal, sachant que le terme dhikr peut être interprété de deux façons, soit le dhikr dans le sens où c'est le wahy, c'est la révélation, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu de la part d'Allah Azza wa Jal et que lui-même a transmis à sa umma à travers ses compagnons ridwanullah alayhim. Donc soit on comprend donc le dhikr ici à travers la totalité de la révélation, ou soit on se limitera au sens que le dhikr ici, c'est l'évocation, évoquer Allah Azza wa Jal. On est censé l'évoquer matin et soir. On est censé, comme nous l'a rappelé le prophète alayhi salatu wassalam, évoquer Allah Azza wa Jal matin et soir, et suivant un certain nombre d'évocations. Comme notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de quelle manière, de quelle façon doit-on l'évoquer. Donc entre les subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim et autres, donc le istighfar et toutes les du'as et les dhikr que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné peuvent intégrer le sens de ce terme. Donc ceux qui ont délaissé soit la révélation, soit l'évocation d'Allah Azza wa Jal, qu'ils s'attendent de la part d'Allah Azza wa Jal à ce qu'ils soient éprouvés. Et cette épreuve, c'est qu'ils vivront dans ce bas monde une vie d'anka, Ce terme lui-même a été interprété par le savant de deux façons. Soit une vie difficile dans ce bas-monde, et d'ailleurs on le remarque. Bien sûr, donc, on peut s'attendre à remarquer ce phénomène auprès des non-musulmans. Les non-musulmans qui se sont écartés de la révélation, c'est normal qu'ils, au fond d'eux-mêmes, vivent cette difficulté, cette contrainte. Ils sont du matin au soir éprouvés. Il ne faut pas se fier donc à l'apparence. L'apparence c'est une chose, mais la réalité c'est se fier au plus profond. Alhamdoulilah, avec tous les problèmes qu'on vit, au fond de nous-mêmes, on a une sérénité, on a une visibilité. On court et on traverse des obstacles, des difficultés, on surmonte des difficultés, mais cela n'empêche qu'au fond de nous-mêmes, on ressent cette visibilité. Chose que les non-croyants n'ont pas. Donc, ça c'est évident, parce que donc, ce sont des gens qui se sont éloignés complètement de la révélation. Quel est le cas des musulmans? Les musulmans aussi qui se sont écartés de la voie de la droiture seront éprouvés, retrouveront cette difficulté dans leur vie, retrouveront cette gêne dans leur vie, retrouveront ce manque de visibilité. Et pourquoi? Parce que plus on s'écarte, on s'éloigne de la ta'a du prophète alayhi salatu salam, de l'obéissance aux ordres du prophète alayhi salatu salam, c'est qu'en parallèle on se retrouve dans une vie d'un cas difficile. Donc c'est proportionnel. Plus la personne s'éloigne, s'écarte de la voie de la droiture, plus il ressentira donc cette difficulté, cette gêne au fond de lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, sans arrêt, sans cesse, les gens, quand ils tombent malades, quand ils ont cette souffrance au fond d'eux-mêmes, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est de se précipiter pour aller voir les médecins, être hospitalier, prendre des médicaments, des cachets, en pensant qu'à travers ces médicaments, ils vont retrouver leur paisibilité. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous décrit la paisibilité. La paisibilité, on ne peut la retrouver qu'à travers sa parole. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » Les cœurs ne peuvent être apaisés qu'à travers l'évocation d'Allah Azza wa Jalla, qu'à travers la récitation du Coran al-Karim. D'ailleurs, dans le dhikr qu'on avait suivi tout à l'heure, il y avait donc l'évocation. On a dit qu'il y a ce sens d'évoquer Allah Azza wa Jalla. Et la meilleure façon d'évoquer Allah Azza wa Jalla, c'est la récitation du Coran al-Karim. Ou la lecture de la parole d'Allah Azza wa Jal. Le Coran, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé au nom de son prophète alayhi salatu wassalam, mon peuple ou Allah Azza wa Jal, ils ont délaissé le livre d'Allah Azza wa Jal. Ils se sont éloignés de la parole d'Allah Azza wa Jal. Ce qui fait que les gens, aujourd'hui, quand tu lui poses la question, depuis combien de temps tu n'as pas lu le Coran al-Karim? Tu diras peut-être depuis Ramadan de l'année dernière. Je n'ai pas ouvert la mushaf. Ou voir depuis la semaine dernière, ou voir depuis donc quelques mois. C'est-à-dire qu'on néglige l'importance de la récitation et de la lecture d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui nous permet de garder ce pacte, ce lien solide avec Allah Azza wa Jal. C'est quand tu prends la parole d'Allah Azza wa Jal et tu essaies de lire, même si c'est peu, ça te met toujours en relation avec Allah Azza wa Jal. Et tu n'oublies jamais cette révélation qu'Allah Azza wa Jal a envoyée à son prophète et à son messager, salawatullahi wa salamu alayhi. Donc ceux qui se sont écartés de cette voie de droiture, ils auront soit cette vie difficile dans ce bas-monde. Et je disais que ceux aujourd'hui, quand ils ont cette souffrance au fond d'eux-mêmes, ils sollicitent les médecins, donc ils sollicitent les psychologues, ils sollicitent les psychiatres et autres, alors qu'on a le meilleur remède, à savoir la parole d'Allah Azza wa Jal, à savoir de se mettre auprès d'Allah Azza wa Jal et de lui demander, de le solliciter, de l'invoquer, de l'implorer, de montrer notre faiblesse devant lui subhanahu wa ta'ala, de montrer notre pauvreté auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On cherche à travers des moyens matériels à renforcer notre foi. Ce n'est pas le cas. Il va falloir utiliser les mêmes moyens qu'employait le prophète alayhi salatu salam et que le prophète lui-même nous a enseigné. C'est ce qui nous permettra de retrouver cette foi et de retrouver cette sérénité. Le deuxième sens d'une vie d'Anka, c'est donc la tombe. Ces gens qui se sont écartés de la voie de la droiture et qui se sont éloignés du chemin du prophète alayhi salatu salam subiront une souffrance dans leur tombe. Ils vont se rendre compte de la réalité de ce qu'ils ont négligé de leur vivant à travers ce châtiment qu'Allah Azza wa Jal va leur accorder dans la tombe. D'où l'intérêt à se dire, il n'y a qu'une seule voie qui pourra mener à cette visibilité, à cette sérénité, et qui pourra nous mener à la miséricorde et à la clémence d'Allah Azza wa Jal. C'est la voie qui nous a été tracée par notre prophète alayhi salatu salam. Le prophète nous a précisé cette voie de droiture, nous a appelé à cette voie de droiture, nous a montré cette voie, et que toute réussite dépendra de chacun d'entre nous. Est-ce qu'il a emprunté cette voie ou est-ce qu'il s'est éloigné de cette voie? On emprunte cette voie, bi'idhnillah azza wa jal, on aura la meilleure des récompenses. Et malheureusement, donc, le cheikh a rappelé à la fin que beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu de revenir à cette voie de droiture, à rappeler aux gens la voie de la droiture, à leur rappeler que notre umma ne pourra avoir sa supériorité, sa fierté, si ce n'est à travers l'unicité d'Allah azza wa jal, si ce n'est à travers la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu salam, si ce n'est à travers la bonne conduite, le bon comportement, sont les trois aspects qui nous permettent de retrouver le droit chemin. Apprenez aux gens le vrai tawhid, apprenez aux gens l'adoration selon la voie du prophète alayhi salatu salam, et appelons les gens à avoir le meilleur des comportements. Malheureusement, aujourd'hui, on entend à droite comme à gauche des gens qui appellent à plusieurs choses et qui ne s'orientent pas vers l'essentiel. Et ils ne s'appuient pas sur l'essentiel. Ils n'appellent pas les gens à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils n'appellent pas les gens donc à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui fait que, dans un hadith du prophète, alayhi salatu salam, il dit, il arrivera un jour où vous allez suivre donc ceux qui vous ont précédé pas à pas. Même quand ils rentrent dans un trou de lézard, vous allez les suivre. Ils disent, oh prophète d'Allah, est-ce qu'il s'agit des juifs et des chrétiens? Il leur dit, qui d'autre si ce n'est les juifs et les chrétiens? Et quand vous voyez le trou donc du lézard, c'est un trou qui est presque un labyrinthe. C'est-à-dire, malgré la difficulté de suivre son parcours, une grande partie de cette umma va suivre le même parcours, va emprunter le même chemin et va suivre donc les pas à pas donc des non-croyants. Tout simplement, en même temps, pour rappeler que les musulmans, ils sont forts par quoi? Par la foi qu'ils ont en Allah Azza wa Jal. Par cette qualité de foi et pas par le nombre. Lors de la bataille de Hunayn, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, pensant qu'ils étaient plus nombreux que les polythéistes, quelques-uns, fraîchement convertis à l'islam, ils ont dit, aujourd'hui on aura la victoire, et personne ne peut nous vaincre. Et ils ont justifié ça par le nombre. Et au début donc de la bataille, ils étaient perdus. Ils se sont sauvés. Si ce n'est un petit groupe parmi les Ansar et les Muhajirin, les premiers, qui se sont regroupés autour du prophète alayhi salatu wassalam et qui ont donné par la suite la victoire aux musulmans, sachant que la victoire provient d'Allah Azza wa Jal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle donc le cheikh a terminé par un hadith où il arrivera un jour où les peuples se réunissent autour de vous comme ce qu'on fait nous autour d'un plat. Quand on s'assoit pour manger donc autour d'un plat, Je sais qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, donc chacun mange de son côté. Alors qu'avant, donc on mangeait tous ensemble autour du même plat. Alors le prophète alayhi salatu salam lui donnait donc cette description en disant: arrivera un jour où vous serez encerclés de la même façon que vous-même vous entourez donc votre plat. Ils disent: ô prophète d'Allah, est-ce que ce jour-là on sera une minorité? Il leur dit: non, au contraire, vous serez majoritaire, vous serez donc un grand nombre. Mais malheureusement, c'est que ce n'est pas le nombre de qualité. On est nombreux, c'est comme la pluie quand il tombe et il trace des ruisseaux par terre, il prend sur son chemin tout ce qu'il trouve, du bon comme du mauvais. Donc le prophète le décrit de cette façon-là. Cela tout simplement pour nous rappeler que à la fois la victoire provient d'Allah Azza wa Jalla. On est censé retourner auprès de lui subhanahu wa ta'ala, chercher cette izza, cette fierté auprès de lui, à travers le tawhid, à travers l'application de la sunna du prophète alayhi salatu salam, la conformité à la voix du prophète alayhi salatu salam, et à travers le bon comportement. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.